Si on voulait chipoter un peu, on chercherait d'autres expressions, peut-être répertoire maritime ou autre. Mais enfin, comme tout le monde utilise le champ de marin, on va continuer à utiliser l'expression champ de marin. Merci. Quelqu'un des questions? Il est réédité? Ah, je savais pas. Ah ouais. Hein? Ok. Donc il sera moins cher que les éditions d'origine qu'on peut trouver encore. Hein? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Tu en poses une, Michel? Plein? Non, mais une. Non, mais bon, on est là. Enfin, c'est le principe de la causerie. Hein. S'il y a des questions, ça permet d'échanger. Voilà. Hein? Hein? Voilà. Non, mais on est très impressionnant aussi, il faut reconnaître, quoi. Hein? Oui? Et sa Guerre Virginienne, bon, qu'il a écrit là aussi, c'est dans les années 70, en fait. À l'époque, il avait créé un groupe qui s'appelait Storlock, peut-être les Bretonnants connaissent. Et il a écrit cette belle chanson, Guerre Virginienne, qui parle des goémoniers de la côte nord. Et les gens la chantent en pensant que c'est une chanson traditionnelle. Or, elle a 40 ans, quoi. Voilà. Tout à fait. Ça marche? Je voulais vous dire qu'en 1802, le capitaine allemand qui s'occupait de la flottille de l'Orient faisait chanter les aspirants pour monter les voiles, hisser les cabestans. Donc les aspirants chantaient déjà des chansons en 1802. On n'a pas beaucoup. Comment dire? C'est une époque où les classes sociales étaient extrêmement marquées. Je ne dis pas qu'elles ne le sont pas aujourd'hui, hein. Mais c'est une époque où on ne se mélangeait pas beaucoup entre matelots et officiers. Et comment dire, dans la marine française, il n'y a pas beaucoup de. Enfin, je connais pas. Hein? Ouais. Ouais. Parce que la plupart des chants, la plupart des chants qui sont parvenus jusqu'à nous sont des chants de ce qu'on appelle la marmare du commerce, en fait. Hein? Il y a peu de chants qui nous sont parvenus qui sont du répertoire d'un répertoire militaire. En France, sur les navires français, on manœuvrait au sifflet essentiellement, quoi. À ma connaissance. Pas toujours. Encore des... Non? Non. Ah oui, bien sûr. Bon, de toute façon, voilà, le temps est venu de remercier tout le monde, de vous remercier. Vraiment, on aurait encore eu... Si on avait eu plus le temps, on aurait... Hein, mais... Donc ce soir à 21h, les Boulis nous font le plaisir de chanter Place Henri Normand, c'est ça? Donc après avoir pris une petite peau conviviale Ah oui. habituelle, rendez-vous ce soir à 21h, Place Henri Normand. Et merci tout le monde, à bientôt. Merci. Merci. Donc on boit un coup derrière, c'est ça, hein? Hein? Très important, très important. Hein? Ça fait partie de la causerie, hein.